بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. ولادته ورضاعه ونشأته. Donc sa naissance, son allaitement et lorsqu'il a grandi. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ليلتين خلتا من ربيع الأول وقيل ثامنة وقيل عشرة وقيل لثنتي عشرة منه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 2 de Rabi' al-Awwal, et il a été dit le 8, il a été dit le 10, et il a été dit le 12, un lundi. Donc le fait qu'il est né le lundi, c'est venu dans Sahih Muslim, d'après Abu Qatada, qu'il a été interrogé sur le fait de jeûner le lundi, et il a dit « Hada yawmun, yawmun wulid tufi » Ça c'est un jour dans lequel je suis né. « Obu'id tufi » Et j'ai été envoyé dans ce jour-là, c'est-à-dire prophète, wa unzila alayya fi, et il m'a été révélé ce jour-là. Cheikh dit que la vie juste, c'est que c'est le 12 qu'il est né, et qu'il y a un hadith Hassan sur ça. Donc, Al Zubayr ibn Bakkar, ولد في رمضان وهو شاد حكاه السهيلي في روضه. Donc, Al Zubayr ibn Bakkar, ici, c'est Ibn Kathir, qui a dit qu'il est né dans Ramadan. Et ça, c'est Shad, c'est-à-dire qu'il s'est singularisé par ça et c'est faible. وَذَلِكَ عَامُ الْفِيلِ Il est né donc l'année de l'éléphant, comme c'est dans le sourate de l'éléphant. بَعْدَهُ بِخَمْسِينَ يَوْمًا وَقِيلْ بِثَمَانِيَ وَخَمْسِينَ يَوْمًا وَقِيلْ بَعْدَهُ بِعَشْرِ سِنِينَ وَقِيلْ بَعْدَ الْفِيلِ بِثَلَاثِينَ عَامًا وَقِيلْ بِأَرْبَعِينَ عَامًا والصحيح أنه ولد عام الفيل وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة ابن خياط وغيرهما إجماعا. Donc là il cite plusieurs avis sur quand il est né et que l'avis juste c'est qu'il est né l'année de l'éléphant et que ceux qui disent 10 ans après ou 3 ans ou 4 ans ou 40 ans ça c'est faux et certains ont même cité l'unanimité sur le fait qu'il est né l'année de l'éléphant. قال ومات أبوه وهو حمل c'est-à-dire son père est mort alors qu'il était dans le ventre de sa mère. وقيل بعد ولادته بأشهر il a été dit après sa naissance de quelques mois. وقيل بسنة il a été dit un an après sa naissance. وقيل بسنتين il a été dit deux ans. والمشهور على الأول et ce qui est connu c'est le premier c'est-à-dire qu'il était dans le ventre de sa mère. Et j'ajoute que Ibn Abbas radiallahu anhuma c'est cité authentiquement de lui, c'est rapporté authentiquement de lui qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né l'année de l'éléphant. Cheikh Ibn Kathir dit وَاسْتُرْدِعَ لَهُ فِي بَنِي سَعْد فَرْدَعَتْهُ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةَ كَمَا رَوَيْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَدٍ صَحِيحٍ. Donc il a été allaité dans la tribu de Bani Sa'd par Halima al-Sa'diyah comme nous avons rapporté avec une chaîne authentique. وقام عندها في بني سعد نحو من أربع سنين. Et il est resté donc dans Bani Sa'd, dans cette tribu, 4 ans. وشق عن فؤاده هناك. Et son cœur a été ouvert là-bas. Jibril, qui a lavé son cœur. Et ça s'est rapporté authentiquement. Et ça s'est passé deux fois, cette fois-là. Et lors de la nuit d'Al-Isra. فردته إلى أمه. Donc Halima l'a rendu à sa mère. Elle a eu peur et elle l'a rendu à sa mère. فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة. Et sa mère donc est partie vers Al-Madina, donc de Mecca à Al-Madina, pour visiter ses oncles maternels, car il avait des liens avec Al-Madina du côté de ses oncle maternel. فتوفيت بالأبواء وهي راجعة إلى مكة. Et donc sa mère est morte à ce moment-là, en revenant de Al-Madina à Mecca, dans le lieu qui s'appelle Al-Abwa. وله من العمر ست سنين. Donc il a perdu sa mère à cet âge-là, à 6 ans. وثلاثة أشهر وعشرة أيام. Et donc 6 ans, 3 mois et 10 jours. وقيل بل أربع سنين. Il a été dit 4 ans. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له فبكى وأبكى من حوله وكان معه 1000 مقنع يعني بالحديد. أن مسلم كان من سيد الله صلى الله عليه وسلم lorsqu'il est passé par la bois alors qu'il allait à Mecca pour l'année pour l'ouverture de Mecca, il a demandé à son Seigneur la permission de visiter la tombe de sa mère et il l'a autorisé. Et il a pleuré et il a fait pleurer ceux qui étaient autour de lui. Et il y avait avec lui 1000 hommes en armes, car ils allaient pour prendre Mecca. Et c'est venu dans des versions que on n'a pas vu plus de pleureurs que ce jour-là. Et ça, c'est une des caractéristiques des Sahaba et de ceux qui veulent leur ressembler parmi ceux qui se disent Salafi, qui est que leur cœur est plein de rahma, plein de miséricorde, malgré que dans le hal, surtout, qu'ils étaient en armes pour aller au combat. Et que malgré ça, le fait de combattre, ça fait pas sortir la miséricorde du cœur. Et ça, c'est une caractéristique des musulmans. Et les kuffars sont très éloignés de cette caractéristique. Bien qu'ils prétendent beaucoup de choses, d'avoir de la miséricorde, envers les gens et tout, mais ça, c'est que des mensonges. C'est que du paraître. Mais le musulman, lui, le croyant, sa miséricorde, elle est véridique. Et il doit en avoir, il doit en avoir, et c'est pas une honte non plus de pleurer pour un homme. Et c'est même une des choses louables. Au contraire des koufars qui, eux, ils éduquent leurs enfants, les garçons, à pas pleurer. Ça, c'est une tarbiya des koufars, une éducation de leur part. Un musulman ne doit pas éduquer son fils comme ça. Mais il doit l'éduquer à craindre Allah Azzawajal et à pleurer pour lui. Et avoir de la miséricorde et de la douceur en même temps que d'avoir du désaveu des koufars et de les connaître et de connaître leurs croyances, etc. C'est-à-dire le juste milieu. J'ajoute que l'ajout des 1000 hommes en armes qui étaient avec lui, ça c'est en dehors de Sahih Muslim, rapporté par Al-Hakim et d'autres.